Le président sénégalais Macky Sall a fait parvenir le 28 juillet un message de félicitations au maréchal Kim Jong-un. Le destinataire a indiqué qu'il a reçu avec joie la nouvelle de la promotion du camarade Kim Jong-un au poste de président du comité des affaires d'État de la République populaire démocratique de Corée. Il a formulé ses félicitations chaleureuses au maréchal Kim Jong-un et a souhaité sincèrement grand succès dans son noble travail.